Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. L'Association burundaise des radiodiffuseurs se dit prête à faire l'éducation électorale et la couverture électorale et post-électorale des activités qui seront financées par le gouvernement, nous confirmera le président de cette association et le directeur général au ministère de la Communication. Le prix du fourrage à Buringa dans la province de Bubanza a augmenté jusqu'à 100%. Cela a par conséquent causé la hausse du prix d'un litre de lait. Notre correspondante nous décrira la situation et les réactions des éleveurs. Et dans la chronique éducation, on en apprendra davantage sur l'importance des bibliothèques scolaires. Et en actualité sous-régionale, l'annonce d'un nouveau cas d'Ebola confirmé à Goma fait craindre de plus en plus l'installation du virus dans la ville située près de la frontière rwandaise. Alors que l'équilibre des forces au sein du futur gouvernement en RDC se précise, notamment sur la répartition des postes régaliens. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, l'Association burundaise des radiodiffuseurs se dit prête à faire l'éducation électorale et la couverture des élections pendant et après. Onésime Harubuno, président de cette association, annonce que les moyens financiers alloués à ces activités proviendront des caisses de l'État. Il espère que les émissions et reportages prévus d'être réalisés en synergie des médias contribueront à l'assainissement du climat politique. Cette réaction intervient au lendemain de la recommandation du conseiller principal en communication à la présidence de la République qui recommande que les médias commencent déjà l'éducation électorale. Suivez le président de l'ABR, Onésime Harubuno. Au niveau de la BER, nous avons déjà un projet en rapport avec les élections. Que le projet ministère de la communication et des médias est informé, nous l'avons déjà déposé à la Commission électorale nationale indépendante, le CNC, le Conseil national de la communication est informé. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Alors, comme le gouvernement du Burundi a bien dit qu'il va supporter tous les frais en rapport avec les élections, la couverture médiatique, le travail en synergie, le travail des journalistes en rapport avec les élections, c'est-à-dire les renforcements des capacités que nous envisageons faire, les émissions, les débats, tout ce que nous pouvons organiser en rapport avec les élections, nous espérons que le gouvernement va financer. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons le projet est là, il nous reste à trouver les moyens. Nous avons espéré que le ministère des Finances, via le ministère de la Communication et des Médias, pourra financer le projet. D'abord, nous envisageons 8 formations pour près de 200 journalistes ici de 17 radios partenaires du projet. Et là aussi, nous allons inclure la presse écrite, la presse en ligne. Donc, il y a le renforcement des capacités. Nous pensons aussi réaliser des reportages conjoints sur des questions conflictuelles. Il y aura la production des chroniques d'informations sur les textes de loi régissant les élections de 2020. Au niveau des radios, qu'est-ce qui est prévu en synergie pour assainir le climat politique ? Si nous travaillons en synergie et que tout le monde est au courant des lois, de tout ce qui est prévu comme loi, nous osons espérer que le climat sera assaini. Ce sera une façon de préparer les gens. C'était le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs, Onésime Harubuno, au micro de Linibel Nibigira. Contacté à ce sujet par la rédaction de la radio Isanganiro, le ministère de la Communication et des Médias confirme que le financement de la couverture médiatique des élections à travers la synergie des médias sera supporté par le gouvernement du Burundi. Chanel Sabimbona, directeur général de la communication au sein de son ministère, annonce également une formation prévue à l'endroit des responsables des médias et d'une équipe pilote de journalistes qui traitent les questions politiques pour un renforcement de capacités. Et une réunion sur ce sujet est aussi prévue la semaine prochaine avec les intervenants dans ce secteur des médias, conclut-il. La cohabitation des membres des différents partis politiques est bonne dans la province de Makamba. C'est l'affirmation du gouverneur de la dite province qui confirme par ailleurs que les autorités communales sont toujours informées de la tenue des réunions des partis politiques. Gad Niyukuri appelle les responsables des partis politiques en province de Makamba à travailler dans la tranquillité de mettre en avant les projets de développement. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Dans la province de Makamba, jusqu'à présent, je vois que la cohabitation des partis politiques dans notre province est bonne. Vraiment, je salue la bonne cohabitation que je vois dans notre province. Souvent, nous faisons des réunions avec les représentants de ces partis politiques, surtout les représentants provinciaux et même communaux, pour échanger avec eux, pour que nous puissions préparer bien les élections de 2020. Il y a les deux membres du parti CNL qui auraient été incarcérés, qui sont accusés d'avoir tenu des réunions illégales. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Je suis au courant de cette situation. Jusqu'à présent, ces deux personnes se trouvent dans les mains de la justice. Donc, nous attendons les enquêtes. Et quel appel lancez aux leaders des partis politiques au sein de votre province? Souvent, nous faisons des réunions avec ces représentants des partis politiques et provinciaux et communaux. Et nous disons qu'il faut faire des réunions légalement, qu'il faut informer les administrateurs pour que les administrateurs puissent voir si des partis ne puissent pas se rencontrer sur le même lieu. Jusqu'à présent, dans la province de Makamba, il n'y a pas de lacune entre les partis politiques, il n'y a pas de malentendu entre les partis politiques. Pour le climat, je salue vraiment la bonne collaboration de ces représentants. Je salue aussi la bonne collaboration entre les partis politiques et l'administration provinciale et communale, même jusqu'à la base, dans notre province. Nous sommes en train de préparer les élections de 2020 sans problème. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal avec les infrastructures routières. L'avenue de l'unité séparant les quartiers Mouramvia et Muyinga de la zone Kinama en mairie de Bujumbura est devenue étroite à cause de son délabrement. Par conséquent, ses usagers affirment que des accidents de roulage y sont fréquents et réclament sa réhabilitation. Reportage Vestine Boutoui. Ces nids de poules s'observent depuis l'endroit connu sous le nom d'Ave Maria, situé dans la zone Kamenge. La partie la plus endommagée de cette route est séparant le quartier Mouramvia et celui de Muyinga en zone Kinama, et celle située sur le côté du quartier Mouramvia où il n'y a plus de trottoir pour les piétons. Des usagers de cette route disent qu'actuellement, il est difficile de se déplacer étant à cet endroit délabré qui ont causé l'étroitesse de la dite route. Par conséquent, ces usagers de la dite route déplorent les accidents de roulage qui y sont fréquents, du fait qu'il est difficile de se laisser le passage. Ces usagers de la route séparant les quartiers Mouramvia et celui de Muyinga de la zone Kinama en mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées sa réhabilitation afin de mettre fin à ces accidents de roulage. La situation est ainsi au moment où des nids de poules situés dans la route menant vers la province de Bubanza, traversant le quartier Mutakura de la zone Chibitoke en mairie de Bujumbura, sont en train d'être couverts à l'aide de la terre mêlée du gravier. Vestine Boutoui. Également dans l'actualité, autour de 8000 demandeurs d'emploi se sont déjà fait enregistrer auprès de l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre, OBM. Le directeur général de cette institution indique entre autres défis auxquels ils font face figure la réticence des entreprises à publier les offres d'emploi existantes. Ndouarugira Emmanuel explique que son institution sert de connexion entre les demandeurs d'emploi et les entreprises en quête d'employés. Suivez-le. Il y a beaucoup de diplômés et tous ces gens-là ne peuvent pas avoir d'emploi. Ici à l'OBM, qu'est-ce que nous faisons? Notre première mission, c'est de mettre à la disposition du public les offres et les demandes d'emploi. À ce moment-là, nous enregistrons les demandeurs d'emploi que nous mettons sur notre site. Et de l'autre côté, et nous enregistrons les offres d'emploi et qui sont difficiles à récolter puisqu'il se remarque une grande réticence au niveau des entreprises pour nous donner leurs offres. Et ce que nous faisons, nous les mettons à la disposition du public via notre site. Internet. Qu'en est-il des statistiques des demandeurs d'emploi et qu'est-ce que fait l'OBM pour justement aider ces chercheurs d'emploi à accéder à un travail digne? Les effectifs qui se trouvent au niveau de notre institution, sauf ceux qui se sont fait inscrire à notre institution ici à Bujumbura, où nous comptons environ 2000. Nous faisons des descentes à l'intérieur du pays. On a déjà couvert la province de Mouramvia, on a couvert aussi la province de Bubanza. En Ngozi, nous sommes à moitié. À possibilité que nous avons déjà visité deux communes. Et de tout cela, nous avons dans notre base de données environ 8000 demandeurs d'emploi qui sont enregistrés à l'OBM. Et ce que nous faisons pour eux actuellement, ce n'est que chercher des formations, soit pour leur recyclage, je dirais, ou même nous pouvons les chercher des formations de reconversion pour les reconvertir s'il a un diplôme de D6 ou de D7, diplôme d'instituteur, alors qu'il n'y a plus de place dans ce domaine-là, on peut le reconvertir vers un métier quelconque, soit la soudure, la coiffure, l'habillement et consorts, pour que, en tout cas, il ne reste pas bras croisés. C'était Emmanuel Ndouarougira, directeur général de l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre. Du sport à présent, 50 journalistes sportifs, producteurs des émissions sportives, vont bénéficier d'une formation en matière de collecte et de traitement de l'information sportive. Liliane Chimirimana, présidente de l'Association des journalistes sportifs du Burundi, indique que cette formation va aider surtout les jeunes journalistes à bien s'initier au traitement de l'information sportive. On l'écoute. L'Association des journalistes et des sports du Burundi a choisi d'organiser des sessions de formation parce que c'est une association qui compte beaucoup de jeunes journalistes qui n'ont pas d'expérience. C'est donc pourquoi on a choisi de commencer par les fondamentaux du journalisme en général, après le journalisme sportif. Donc on a constaté que c'est nos membres, les jeunes journalistes, ont besoin d'être renforcés sur la collecte et le traitement de l'information sur les grands genres journalistiques, sur la régulation des médias, ainsi que sur le journalisme sportif à la radio, à la presse écrite et la presse en ligne. On a aussi constaté que la prise en compte de la femme et des personnes en situation de handicap, ces deux catégories de gens n'ont pas une place de choix dans les médias sportifs. Donc tout ça, on a voulu donc renforcer les journalistes des sports sur ces différentes thématiques pour améliorer la qualité de l'information sportive à travers les médias, car on a constaté que le sport a une place de choix dans les médias. Après ces sessions de formation, nous attendons à ce que nos membres, ils sont au nombre de 50 jeunes journalistes qui ont été identifiés dans les radios, dans la presse écrite et la presse en ligne. Nous attendons donc à ce que ces 50 membres journalistes soient renforcés sur les différentes thématiques qui ont été identifiées. Donc, après ces sessions de formation, et la qualité de l'information sportive sera améliorée. Également dans l'actualité, les feux de brousse ont sensiblement diminué en province de Gitega depuis l'année 2016. C'est grâce à la sensibilisation faite à l'endroit de la population et de l'administration à la base en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre les feux de brousse en particulier. C'est le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE à Gitega qui donne cette information et qui confirme. Jean-Marie Hatungimana ajoute que des sanctions sévères figurant dans le nouveau code forestier ont aussi contribué dans ce domaine. Correspondance de Gérard Nibigira. Le 15 juillet 2016, le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, a promulgué la loi numéro 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du code forestier. L'ancien code forestier daté de 1989. Ainsi donc, le chef d'antenne provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE à Gitega, Jean-Marie Hatungimana, indique que depuis cette date, les feux de brousse ont sensiblement diminué à Gitega. À titre illustratif, en 2015, plus de 500 hectares de boisement ont été incendiés. Par contre, en 2017, seuls 45 hectares ont été incendiés dans toute la province de Gitega, au moment où l'année dernière, 2018, c'est moins de 6 hectares. Il précise en outre que cette année 2019, jusqu'à présent, aucun cas d'incendie ne lui est encore signalé. Il explique cela en disant que c'est grâce aux séances de sensibilisation dont ont bénéficié la population et l'administration à la base en matière de protection de l'environnement en général et de lutte contre les feux de brousse en particulier. Il souligne également que des sanctions sévères prévues dans le nouveau code forestier à l'endroit des auteurs de feux de brousse ont valablement contribué. L'exemple est celui de l'article 212 de ce code qui stipule que toute infraction à la réglementation de feux de brousse et des incendies de forêt est punie d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. En outre, l'article 216 stipule que quiconque laisse des troupeaux ou des animaux paître sur des terres incendiées est passible d'une amende de 100 000 francs bou par animal paissant en délit. Le chef d'antenne provinciale de l'OBP à Gitega se réjouit de l'état des lieux relatifs aux faits de brousse dans sa circonscription et demande à la population et à l'administration à la base de doubler de vigilance à la matière. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Toujours dans les nouvelles des provinces, le gouverneur de Lomongue donne 10 jours à la police pour identifier les auteurs de l'incendie des portes de la permanence de la zone Gatete, de la permanence du CNL, du parti CNL en zone Gatete. C'est en commune province Lomongue. Cet incendie est survenu la nuit dernière. Juvenal Bigirimana dit que cela doit impérativement s'arrêter. Jean-Pierre Misago. Comme l'indique Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lomongue qui a effectué une descente à Gatete ce mercredi matin de porte de la permanence zonale du CNL à Gatete en commune province de Lomongue, ont été partiellement incendiés par des inconnus la nuit de ce mardi à mercredi. Selon certains des habitants de Gatete et le responsable du CNL à Lomongue interrogé ce matin, les auteurs de ce coup ont utilisé de l'essence, des pneus et des feuilles de palmier à huile et une quantité d'essence a été suspendue sur la charpente dans une bouteille en plastique. Selon Erasme Mouke, responsable du CNR Lomongue, cela exige des enquêtes urgentes pour identifier et punir les auteurs de ce coup. De son côté, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lomongue, donne seulement 10 jours à la police pour finaliser les enquêtes. Selon le gouverneur de Lomongue, c'est une situation inquiétante, puisque survenue après la réunion de ce mardi avec les responsables des partis politiques et les représentants des ligues y affiliés, et au regard du passé de la zone Gatete, et cela doit être maîtrisé afin de ne pas perturber les élections de 2020. Malgré cet état de fait, l'inauguration de cette permanence prévue ce 4 août 2019 aura bel et bien lieu, indique le représentant communal du CNL à Lomongue, affirmant que le gouverneur de Lomongue leur a conseillé de le faire après avoir remplacé ses portes en partie incendiées. Jean-Pierre Misago depuis Lomongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. En actualité nationale et internationale en bref, avant la chronique éducation, nous parlerons de l'importance des bibliothèques scolaires. La hausse du prix du forage à Bouringa dans la province de Bobanza jusqu'à 100% a conduit à la hausse du prix d'un litre de lait selon les éleveurs qui disent que c'est une situation qui arrive dans toutes les saisons sèches. Au moment où les vendeurs de ces herbes demandent l'autorisation de les chercher dans la réserve de la Rococo, proche et encore verdoyante, l'administration communale à Guianga ne l'entend pas de cette oreille et précise que la Rococo est une réserve qui doit obligatoirement être protégée. Et en RDC, un nouveau cas d'Ebola confirmé à Goma fait craindre de plus en plus l'installation du virus dans la ville située près de la frontière rwandaise. Le patient est parti de la province de l'Ituri et a parcouru des centaines de kilomètres. Il est arrivé à Goma il y a plus de 2 semaines, mais ce n'est que la semaine dernière qu'il a commencé à développer des symptômes. Il a été isolé dans un centre de traitement Ebola, dans un centre de traitement Ebola nouvellement construit. Les équipes sanitaires essaient de retracer ceux qui auraient pu entrer en contact avec lui et leur proposent un vaccin. Ce deuxième cas est a priori sans lien avec le premier selon les autorités. Sachez que la fièvre Ebola a fait plus de 1700 personnes depuis son apparition il y a près d'un an en RDC. Toujours en RDC, l'équilibre des forces au sein du futur gouvernement de coalition se précise notamment sur la répartition des postes régaliens. Sur les 65 postes ministériels, 48 ministres et 17 vice-ministres, 42 ont été attribués au Front commun pour le Congo, le FCC, la coalition du président Kabila et 23 au CAP pour le changement cash, celle du président Tshisekedi. Selon nos confrères de RFI, les affaires étrangères et l'intérieur reviennent à la coalition cash de Félix Tshisekedi. Mais le chef de l'État n'a obtenu ni la défense ni la justice qui reste aux mains du FCC de Joseph Kabila. Et dans le secteur économique, tout aussi convoité, cash obtient finalement, selon toujours RFI, les ministères du budget et de l'économie, tandis que le FCC conserve la main sur les très stratégiques ministères des mines et des finances, un portefeuille que le président Tshisekedi a tenté jusqu'au bout de conserver. Le FCC donc de Joseph Kabila obtient au total 31 des 48 postes de ministres titulaires. et sans compter les postes de vice-ministre, contre 17 pour le camp du nouveau président, soit environ 35%. Radio Isanganiro, chronique éducation. Une bibliothèque scolaire est importante car elle contribue au développement des connaissances aussi bien des enseignants que celles des élèves. C'est ce que dit Béatrice Sebarangheba, bibliothécaire et professeure d'université. Elle ajoute qu'une bibliothèque scolaire bien organisée doit être régie par des textes comme les modalités de prêt et d'emprunt. En plus, les livres sont aussi rangés de manière à ce que la recherche soit facile. Marie-Claire Cazenette. Une bibliothèque scolaire étant importante en son sens qu'elle est au service de l'enseignement, elle développe les connaissances des enseignants et des élèves dans leur recherche. Béatrice Ebarangheba, bibliothécaire professeure d'université qui l'explique, ajoute que c'est un emplacement où sont aménagées et classées des collections. Une bibliothèque scolaire est un lieu où sont organisées et classées des collections dans une institution tant publique que privée d'enseignement primaire et secondaire. Une bibliothèque scolaire est indispensable dans le renforcement des capacités des élèves. Elle contribue beaucoup au développement des connaissances et des enseignants et des élèves. Les ouvrages qui couvrent des domaines en rapport avec les cours enseignés, les ouvrages de référence, le matériel pour classer les livres, tout cela constitue le contenu d'une bibliothèque scolaire selon Béatrice Ebarangheba. Une bibliothèque scolaire est censée contenir des ouvrages couvrant des domaines en rapport avec des cours enseignés, par exemple les documents en rapport avec les mathématiques, la biologie, et ainsi de suite. Elle doit aussi contenir des ouvrages de référence comme les dictionnaires, les encyclopédies, des périodiques, des ouvrages de poésie, des bandes dessinées. Elle doit également contenir des rayonnages métalliques pour le classement, des tables, des chariots, ainsi que des ordinateurs pour la recherche documentaire en ligne. Les modalités de prêt, d'emprunt et autres, ainsi que sa gestion par un ou deux membres qualifiés, constitue une bonne organisation d'une bibliothèque scolaire. Elle doit être régie par des textes, par exemple les modalités de prêt, d'emprunt, les heures d'ouverture, ainsi de suite. Et elle doit aussi contenir des documents qui cadrent bien avec les cours dispensés à l'école. Et ces documents doivent être bien traités, bien classés sur des rayonnages adaptés, les métalliques étant donné que ceux qui sont en bois fléchissent facilement. Elle doit être gérée par au moins un ou deux membres du personnel qualifié en sciences de l'information documentaire, capables de traiter les documents et de répondre à pas mal de questions des usagers, capables de les orienter efficacement dans leur recherche documentaire. Une bibliothèque bien construite doit avoir une partie réservée pour la lecture, le magasin pour la conservation des documents, le guichet pour faciliter le prêt et peut-être une partie réservée aux machines ordinateurs. Béatrice Ebarangheba, bibliothécaire professeure d'université, conseille les établissements scolaires, tant publics que privés, qui n'en possèdent pas, qu'avant de démarrer leurs activités scolaires, qu'il faut mettre sur pied une bibliothèque vu son importance. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. À mon après-midi.